Les sanglots longs des violons. Dodo, boulot, dodo, la routine s'installe. Faustine commence sa journée de travail à 8 heures en basse saison. Elle travaille à la repasseuse ou à la machine à coudre, en fonction des besoins. Maman œuvre à la coupe des mousses et des tissus, puis aux finitions. Elle prend toujours le plus dur et le plus difficile. Ce n'est pas par altruisme, seulement par manque de confiance. Qui pourrait l'égaler? Les grosses machines à coudre professionnelles sont disposées juste à côté des fenêtres. Si elles tournent légèrement la tête, Faustine se fond dans la nature. Le chant des cigales est omniprésent, de même que celui des grillons. Le regard s'évade en direction de la mer. Tout est si beau que la mise en cage n'en est que plus cruelle. Aïe! Faustine a trop rapproché son index du pied de biche. Il est passé sous l'aiguille. La perforation ne fait pas vraiment mal. Elle est si rapide. Mais ça réveille. Il faut faire gaffe surtout de ne pas tacher les tissus. La distraction ne paye pas ici. Combien de fois la jeunette n'a-t-elle pas dû recommencer sa couture juste parce que, tout à sa rêverie, elle a oublié de changer de canette et cousu quelques kilomètres de bande sans fil. Depuis que Solange est partie en congé maternité, les journées s'égrènent, impitoyablement monotones. Maman reste sur son quant à soi, se contentant de commenter les nouvelles de la radio. Elle évite de susciter les confidences de sa tête brûlée de fille, de crainte de provoquer des regrets qui, faisant boule de neige, entraîneraient des décisions, comment dire, inadéquates. Elle prétend qu'elle en sait bien assez. De son côté, Faustine se fiche bien du décès d'Agatha Christie en janvier et, plus récemment, de l'inauguration du Concorde. Elle attend le Festival de Cannes avec impatience. Sortir enfin, voir d'autres têtes. Elle espère qu'Agnès, la représentante multicarte de ses parents, qui travaille occasionnellement chez un producteur de ses amis, lui offrira des places. À part ça, elle reste frustrée de n'être pas reconnue en tant qu'adulte. On dirait que ces 24 derniers mois de séparation n'ont jamais existé. À quoi sert de partir si au retour vos parents ne changent pas le regard qu'ils ont sur vous? La seule différence entre hier et aujourd'hui, c'est le cendrier disposé à ses côtés. À 11h30, maman monte préparer le déjeuner. Une chose est sûre, elle cuisine toujours aussi bien. Côté bouffe, rien à redire. Quand le repas est prêt et que Faustine peut monter les rejoindre, sa mère siffle dans l'interphone. Bien pratique cet engin. Sauf qu'il permet aussi, depuis en haut, d'espionner tout ce qui se passe à l'atelier. Faustine rejoint papa et Stéphane autour de la table. Pas question qu'elle-même se mette aux casseroles, c'est un territoire réservé. La jeune femme a juste le droit, certains samedis après les courses, de participer au conditionnement des aliments. La pluche, quoi. Après laquelle, estimant qu'elle se voit suffisamment toute la semaine, maman la renvoie dans ses quartiers jusqu'à lundi. Chez elle, la jeune femme s'ennuie à mourir. Pas d'amis, pas de voiture. Une télé en rade et ses 20 ans qui s'enfuient. Quel gaspillage! Bernard lui manque. Ils correspondent peu. Elle souffre énormément de leur séparation. Sa déprime ne l'aide pas à se motiver pour entreprendre des activités. Elle tourne en rond entre son studio et la bibliothèque. Heureusement, elle a retrouvé son petit frère. Il est devenu un beau jeune homme de bientôt 15 ans, vif et drôle. Il a toujours une anecdote en réserve et fait rire toute la maisonnée avec ses facéties. Il est en 4e au lycée, passera en 3e l'an prochain, terminant sa scolarité obligatoire. Excellent élève au conservatoire de Grasse, Stéphane espère, et ses parents aussi, être admis à Nice dans la classe de clarinette. Plus tard, il pourra poursuivre au conservatoire de Paris. Qui sait? En attendant, Faustine invite son frère occasionnellement au bar du PMU, elle lui offre des parties de flipper. Quand ses copains se pointent, elle fait semblant d'être sa petite amie pour les rendre jaloux. On s'amuse comme on peut. Frères et sœurs se promettent de fréquenter la piscine dès son ouverture. Aussi, quand elle aura les moyens, Faustine l'invitera au cinéma. La perspective de passer son code, puis de commencer les leçons de conduite, aide Faustine à endurer cette période. Elle attend avec une impatience grandissante les fonds que René, son ex-ami balois, lui a promis en échange des meubles et de la télé. Ils rempliront son compte postal tout neuf, tout beau, tout vide. Mais bien qu'elle lui ait téléphoné 3 fois déjà, René ne semble pas pressé. Chercherait-il à se venger du fait qu'elle l'ait remplacé par Bernard? D'ici là, Faustine s'occupe autrement, une fois n'est pas coutume. Elle a sacrifié à la mode et s'est offert un de ses blue jeans qu'on fait sécher sur soi afin qu'il adhère comme une seconde peau. Oh, ce n'est pas très agréable au final, et ces coutures mal placées, quelle torture! Comment marcher jusqu'à la bibliothèque? Elle ressemble à un robot. Lorsque l'argent arrive enfin, Faustine se précipite dans la première auto-école venue. On lui signale qu'elle ne peut pas prendre de cours de conduite tant qu'elle n'a pas passé son code. Malédiction! Encore attendre! Flûte, flûte et zut! Déçue et frustrée, elle s'en retourne après avoir acheté le bouquin ad hoc et se met à l'étude Fissa. Un matin, maman convoque Faustine dans le bureau. « Dis-moi, Fifi, est-ce que tu as rencontré ton père à Bâle ?»« Oui. » « Et ?»« Et ça s'est très bien passé. J'ai fait la connaissance de Pierrette, Fabienne et Marc. On a passé des bons moments ensemble. Fait 2 ou 3 virées, fêté Noël, ça s'arrête là. » Et tu ne m'as rien dit quand je suis venue te voir en février? Je n'en éprouvais pas la nécessité. Tu ne m'as rien demandé? Dommage, il ne t'a pas dit trop de mal de moi alors. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, je lui ai tout de suite fait comprendre que je ne voulais rien savoir de vos histoires. Faustine n'en dira pas plus, n'ayant pas envie de déprécier la rencontre avec sa famille baloise, ni son attachement pour elle. De son côté, maman n'estime plus nécessaire de lui faire les révélations prétendument indispensables avant son départ pour la Suisse. Ceci dit, elle semble rassurée. Sans doute estime-t-elle qu'il n'est pas trop tard pour interrompre cette relation naissante. Est-ce que par hasard vous seriez convenu d'un accord spécial concernant la pension alimentaire? Non, pourquoi? Côté fric aussi, je lui ai demandé de ne rien changer. Cette pension, c'est à toi qu'il la doit, pas à moi. Je vois. Malgré tout, il a cessé les versements. Je ne comprends pas. Je lui ai vraiment demandé de ne rien changer à vos accords. En plus, il ne restait plus que quelques mois jusqu'à ma majorité. C'est trop bête. Tu peux me croire. Je peux te montrer mon compte. Tu verras qu'il n'y a rien provenant de lui. Oui, je te crois. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Maintenant que tu me confirmes qu'il ne te verse rien directement, je vais contacter un avocat en Suisse afin qu'il le rappelle à l'ordre. Mais quel menteur! Quel faucheton! Puisque c'est ainsi, il n'entendra plus jamais parler de moi. C'est terminé! Faustine s'indigne avec toute l'implacable intolérance de sa jeunesse trahie et claque la porte paternelle au grand soulagement de sa mère. Emballée, c'est pesé. En moins de 15 jours, au prétexte de complicité mère-fille, Faustine est retombée sous l'emprise maternelle. Mais où sont passées sa liberté, son autonomie, sa précieuse indépendance? Où est l'amoureuse passionnée, la cuisinière prometteuse, la serveuse la plus populaire de Birsfelden, la femme comblée? Tout a été balayé comme des empreintes sur du sable mouillé. Bernard, mon Bernard, où es-tu ?